commencer quand ça tente, mais attends un petit peu parce que Bruno y commence. T'es-tu prêt, Nick? Ouais. All right. Je te crois pas. OK. Alors, bonsoir. Pour la manchette ce soir, on parle d'animaux, de vol de dépanneur et tu périras dans la profondeur de ma déception. Vous écoutez 70%. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très constant. On parle de l'argent VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% nous rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. C'est lundi, on est content. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais! Bien content de vous avoir avec nous. Mon nom est Tommy Godette, animateur et fondateur du concept. Non, on est à 70%. J'ai pas été capable de finir ma phrase. Flanqué comme d'habitude de mon brave Bruno, de retour après une semaine d'aventure, de pérégrination. On te sent en pleine forme à soi. Ah, hey, écoute. Hein? Et voilà. Tout, là, tu sais. Et voilà. Mais vraiment, là, vraiment, là. Vraiment, ah, tout oui. À fond la caisse. Un autre retour remarqué, Mathieu Boudreau. Applaudissez Mathieu Boudreau, applaudissez, s'il vous plaît. Là. Applaudissez Mathieu Boudreau. Applaudissez-le, là. On est très content de te revoir, Mathieu. Oui, oui. Oui. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Tiens, on va faire une petite écartade à nos habitudes. Cette semaine, je te parle, c'est une discussion ouverte sur l'obsolescence programmée. Oh, j'aime ça. Voilà. J'aime ça. Et cette semaine, j'ai pas écrit de blague, donc c'est à vous de faire. Et sinon, ben, comme chroniqueur, on reconnaît Jonathan Simon. Salut Jonathan. On salut est Tommy. Aussi, content de te voir. Et puis Simon Portelance et son frère Mathieu. Salut, ça va bien? Ben certain. Yes, yes. T'es en train de nous introduire un nouveau Portelance? Ben, vu fait... qu'un s'était rendu confortable, t'en mets un deuxième, genre. Ben, c'est ça, c'est que je me suis dit, au fil des derniers mois, je me suis comme introduit un peu. Là, on vient faire à ce soir un espèce de débat, un débat pour ou contre quelque chose, puis on regarde la surprise. On va voir ça plus tard, sinon ben, je pense qu'on va être rejoint par Simon qui sonnait plus tard en soirée. Peut-être un Fred, on va voir, on va vous combler ça va être excellent. Sinon, ben on vous a gardé votre main, en fait, applaudissez notre invité, l'excellent Jean-François Denommé, s'il vous plaît. Ça va, Jean-François? Ça va très bien. Ta première fois à 70%? Exactement. N'hésite pas à garder ça pas loin de la bouche. Yeah. Ouais, ouais. Toi, t'es un humoriste de la relève. Ouais, ouais, je fais ça. Dans t'as quel âge, man? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans? Ça va-tu bien avec tes parents? Ben, ma mère m'a renié un peu, mais sinon, ça se passe ça, bien. Ça, c'est à cause que ton choix de carrière, genre, d'habitude? Ouais, exactement. Humoriste, ça m'a dit, ah non, j'ai échoué mon rôle de mère, voilà. Et puis, toi, mettons, humoriste, tu nous as dit que t'as étudié le théâtre et tout. Ouais. Est-ce que t'as commencé le théâtre en te disant, je sais que je vais finir en stand-up? Ben en fait, j'ai tout le temps voulu être humoriste, en fait. J'ai commencé le théâtre, puis j'aimais pas le théâtre, j'aimais pas ça. C'était comme juste un atout de plus à la scène, mais finalement, j'ai beaucoup aimé ça. J'aime le théâtre, c'est le fun. C'était un deck, en fait, c'est en or et lettres, option théâtre à Marie-Victorin, okay. Qui était malade. C'était vraiment le fun. Hey boy, y'a qui ici qui a un deck? Moi, j'en ai deux. Je te souhaite de pas lâcher moi, ça. J'ai une équivalence. Oh! Ouh, on peut l'applaudir. Applaudissez, Bruno. Sinon, ben, comment ça a marché, l'humour? Pourquoi t'as viré là-dedans? Ben, moi, j'ai tout le temps été un peu le clown, en fait. Je faisais rire mes gardiennes quand j'étais petit pour avoir du gâteau. Je faisais plein de conneries. Ça marche en fait. Avec les filles, l'humour. Hein? Ouais, ben, ça dépend. Ah, ok. Non, mais c'est le fun d'être drôle. Il y a des filles en fait. Qui aiment pas le fun. Ouais, c'est ça. Qui ici qui aime pas le fun? Levez les mains, les filles. Là. Faut pas être. Ah oui, toi, je ouais, trouve Audrey, ouais. on sait, le plaisir, ça marche pas. Toi, Mathieu, t'as les cheveux longs, mais t'es pas une fille. Ça te prend des ovaires à l'intérieur. Le fun a été pris par les filles en 86 à cause de Cyndi Lauper, Tommy. On le dira jamais assez. C'est vrai. Le fun c'est a vrai. Tout été volé cette année-là. Et puis sinon, ben, est-ce que tu connaissais douteux.org avant qu'on t'invite? Pas du tout. Pas du tout. À cette heure, est-ce que tu vas parler de nous à tous tes amis? Tout le temps, sans arrêt. Non, la bonne réponse, c'était peut-être. On va voir comment ça va se passer. Ben, oui. Sinon, t'es-tu un joueur de Magic? De, pas du tout. Vraiment pas. Pourquoi que le monde joue pas à Magic, tu penses? Ben, je dirais que moi, Magic, je te sors Luc Langevin. J'ai aucune idée c'est quoi. Ah. Aucune idée. Tu te dis, je sors Luc Langevin. Ben, Magic, c'est pas, il y a de la magie. Luc Langevin fait des tours de magie. T'as un chapeau, il y a peut-être un lapin dedans, je sais pas. Okay. Ah, c'est bon, j'aime ça, t'as bien jonglé. Sinon, parle-moi de Yves Desgagnés. J'ai entendu dire, tu l'as déjà rencontré. Yves Desgagnés. Ouais, ouais, c'est le cowboy là, de l'héritage. Ah, ben oui, Yves Desgagnés, ça, c'est un grand chum. Dans l'échelle du talent, de 0 à 1000. Oh oui, ben ça, oui, ça, c'était mon premier spectacle. Ça fait longtemps, en fait. Je suis allé à 0 à 1000, en fait. Je me suis dit, j'avais montré mes textes à des gens. Je me suis dit, ça rit, je continue là-dedans. Ça rit pas, genre, je deviens plombier. Je sais pas. Pour vrai, là, c'était ça passe ou ça casse. Exact. Avec à 0 à 1000. Ouais, à 0 à 1000. OK. Ben, il y avait du public, un micro. Je me suis dit, bon, j'allais faire des blagues devant des gens. Puis première ça a bien marché. Puis quand tu dis ça fait longtemps, on parle de... Ça fait quoi, 4-5 ans? Ça fait 6 ans, en fait. 6 ans, fait que t'avais 15 ans. J'avais 15 ans. C'est Mighty TQ, mon gars. C'est courageux, ça. Ouais, ouais, c'était le fun. C'était une belle expérience. J'aurais fait ça n'importe quel. C'est quoi, t'avais-tu comme un formulaire à remplir en ligne pour pouvoir avoir le privilège de rencontrer Yves Desgagnés? Ouais, ben c'était en ligne. Je me suis inscrit. Il y avait une audition. J'ai fait l'audition. On n'a aucune idée si j'allais être pris. J'ai été pris. J'ai fait l'émission. Puis après, je suis rendu ici. Yeah. Dis-moi un gros gun bitch. Gun bitch. C'est bon. Mais, gun bitch, penses-tu que c'était une variante de ça? Gun. Il disait gun bitch, il disait pas gun bitch. Oh. Vas-y, Jonathan. Je pense que c'était gun bitch, mais gun bitch, c'était le sac de Robert Gravel. Yves Desgagnés, c'était hostie toastée des deux bords. Ouais. Oh, shit. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vrai. Mais il y avait tout dans le sac. Bon, ben, dis-moi, il y a un style toasté des deux bords. Un style toasté des deux bords. Bon, tu vois, là, on sent que Yves va laisser sa marque. Ah, exact. De façon très programmée. Sinon, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Mettons, moi, je veux suivre Jean-François Denommé. Comment je fais ça? Ben, là, présentement, je travaille sur une web série, puis c'est un bébé projet encore. Il y a rien d'affiché encore. Je compte mettre ça vers octobre, novembre, cet automne ou cet hiver, idéalement. Mais là, on travaille fort là-dessus. Ça commence à bien prendre forme. Puis je vais mettre ça en ligne, sinon je suis en spectacle un peu partout dans les bars. Fait que mettons, on s'en va sur ton Facebook, puis ça va partager de là. Ouais, ça va partir de là. Et voilà, Jean-François, dénommé, pas dénommé. C'est exact. Un dénommé, dénommé. Hein, oh. Faut la faire. Hey, faut ça. La faire vivre. Sinon, ben, t'es à 70%. Le concept, c'est que là, on va laisser le contrôle à des chroniqueurs. Toi, t'es invité tout le long du show, n'hésite pas à commenter. Pas de problème. Puis en plus, j'ai entendu dire qu'à la fin du show, t'étais pour nous faire un petit bout de stand-up. Yeah. Très content de t'avoir. On peut l'applaudir. Donnez-y. On est très content de t'avoir avec nous, Jean-François. Ce qui va nous amener au début pour vrai du show. Let's go, Monique. On part. Attends ta face, les nouvelles. Hein, y en a-tu qui se sentent revigorés, là? Oh, yeah. Bon, OK, on s'en va parler du monde niaiseux. C'est vrai. Alors, tout de suite, en visite au parc national Yellowstone, une femme de 43 ans et sa fille ont décidé de se prendre en selfie à environ 5 mètres d'un bison sauvage en lui tournant le dos quand le prévisible est arrivé. Les deux femmes ont entendu le bison se diriger vers elles et se sont mises à courir, mais le bison les a rattrapées, projetant la femme dans les airs avec sa tête. La femme a été transportée dans une clinique où des blessures mineures ont été traitées. Il s'agit de la 5e personne à avoir été blessée par un bison dans le parc depuis le début de l'année. 3 de ces incidents étaient aussi des opportunités de photos. Oui, on l'applaudit, s'il vous plaît. Hein? Fait que, mettons, la morale de l'histoire, c'est fais pas de selfie avec un bison, genre. C'est... Ou juste comme approche-toi pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est moi, j'irais avec ça. Il y a des images en close-up sur Internet, si, mettons, tu veux voir un bison de proche. Puis ça se loue un green screen, là, ouais, si jamais aussi. Tu veux absolument être avec. En tout cas, c'est... Ah, con. OK. Let's go next. Oui, souhaitant probablement protéger sa propriété, un homme de Marietta au Texas est sorti de sa maison armé d'un revolver de calibre 38 afin d'éliminer un menaçant tatou qui se promenait sur son terrain. L'homme aurait tiré 3 fois sur l'animal et au moins une des balles aurait rebondi, allant se loger dans sa mâchoire. Fort. Oh. Il a été transporté à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Pas de nouvelles du tatou. Ben... Sacrément, c'est fait solide, ça, mon gars. Ben, j'imagine que ça marche pas tout le temps, mais... T'sais. Puis hey, la probabilité, il devait être genre juste à côté, puis... Tu sais pas, il y a une pelle où tu t'attends, ça va s'en aller tout seul. Moi, c'est ça que j'aurais fait personnellement, mais tu sais, je suis pas au Texas. Ouais, c'est vrai. Au Texas, les choses, les mœurs sont différentes. C'est ça. Hein? Non, mais tu protèges ta propriété. Mais même s'il a fail, ce gars-là sort de là avec la meilleure anecdote au monde. Là. Dans un party, ouais, j'ai tiré sur un tatou. Ouais, mais attends, attends. Face. Non, excuse. Moi, je veux tirer sur un tatou, ça va pas aller dans la face. J'ai la meilleure anecdote, mais il est pas pertinent. Let's go, on en passe une autre. Oui, après que sa copine ait décidé de laisser son chat manger son bacon, un homme a décidé d'appeler la police afin de porter plainte contre elle. Oh. L'homme de West Yorkshire a appelé les services d'urgence rapportant la situation. La réceptionniste lui aurait alors demandé si la police devait arrêter sa copine ou le chat. Ce à quoi il aurait répondu « les deux ». On l'a alors informé que de laisser un chat manger du bacon n'était pas un crime, que la police n'arrêtait pas les chats. Et que sa situation ne se qualifiait pas comme une urgence. Hein? Mais mon bacon! Ça paraît que c'est pas cette fille-là qui s'est fait manger son bacon, hein? Ça sonnait tellement wrong, qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, c'est vrai. Asti, qu'il y en a des caves, pareil. Situation d'urgence 911. Écoute, ma femme, je t'aime, mais ça, c'est trop. Non, mais le bacon, tu niaises pas avec ça. Là. C'est bon. Là. Ouais, j'avoue. Puis le bacon, il y en a qui en font une religion. Hein. Ouais, ouais. Ils sont cons. Non seulement le bacon, c'est bon, mais les chats, on s'en crisse pour vrai. Là. Oui. Ouais, fuck les chats. Moi, je suis allergique aux chats. Ah bon, OK. Fuck les chats. Non, mais je suis allergique aux chats. Je me demande si j'en mange. Si, mettons, je vais en Chine, je fais-tu une réaction allergique à ça? Ouais, ouais, si c'est juste respiratoire ou si. Moi, je sais pas, c'est une question que je me pose. J'ai beaucoup de loisirs. Je dirais non. Non? Moi, je dirais que non aussi. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme les particules, il paraît, là, ça se lave avec le bave. Là. C'est pour ça qu'ils sont propres, il paraît. Là, Moi, si je fais ça, il n'y a personne qui va dire « Bravo, Tommy, t'es propre, là, c'est ça. Sans... » Pas de même, ça marche. Je sens la laine. Ouais, je sens la laine un peu partout, même en dessous de tes pieds. Hein? C'est-tu la fin de ton premier bloc? Je pourrais en faire une dernière, parce que je pense que je suis encore dans un bloc animaux. Ouais, j'aime ça. Voilà, Trish Lemire de Barrie en Ontario poursuit son employeur parce qu'il a refusé de lui accorder un congé de maternité. En effet, la femme de 31 ans est outrée que son employeur ne prenne pas en considération sa demande de congé seulement parce que son bébé est un bébé chien. Je veux mes 40 semaines comme n'importe quelle autre mère, a-t-elle affirmé. S'occuper d'un chiot est un emploi à temps plein et si je ne suis pas là à chaque moment de sa première année, j'aurais failli mon rôle de mère, ajoute-t-elle. À la question « Est-ce que les bébés chiots sont différents des bébés humains? » Elle a répondu « Absolument pas. Un chiot est un bébé chien. Je mérite du temps avec mon nouveau-né, moi aussi. » Voilà. Donc, on lui souhaite bonne chance. Ah, c'est juste à côté de chez nous. Oui, on peut applaudir. Ouais. C'est une problématique 100% canadienne. Ça s'est passé au Canada. Mais dans le fond, elle n'est pas vraiment la maman. C'est la chienne qui est la maman du chiot. Ouais, mais là, c'est comme si tu disais que les gens qui adoptent des enfants, c'est pas les vrais parents. Là. Ok, je viens de dire exactement la même chose. C'est vraiment, vraiment pas cool. Qu'est-ce que tu viens de dire là, Tommy, pour vrai? Je m'excuse auprès de la chienne et de la maman aussi. Calvaire. Hein? Toi, les animaux de compagnie, à part les chats? Moi, j'aime bien les chiens. Mais sinon, c'est correct. Pas d'iguane, genre? Non, ça, je trouve ça bizarre, en fait. T'as-tu vu Dur comme Stone, le film? Non. C'est sorti à peu près l'année de ta naissance, là, mais c'est l'histoire d'un gars qui passe plein de temps à aimer son iguane. Je pense pas que l'iguane a le pouvoir de lui redonner de l'amour. Ben, ça dépend comment il donne son amour, je pense. Je pense qu'il y a des moyens de donner de l'amour aux iguanes. Ça dépend de ta définition de l'amour aussi, hein, Tommy? L'amour entre humains et iguanes. J'adore ça, on finit avec plein d'ouvertures. On va te revoir plus tard dans l'émission, Bruno. Certainement. C'est notre éditorialiste en chef et notre lecteur de nouvelles. Ce qui nous amène, à mon cher Nick, au premier chroniqueur de la journée. Hey, salut, porte-à-lance numéro 2. Ah Ouais, ça va bien. Ben, ça va bien, certain. Ouais, ben, en fait, j'ai un nom aussi. C'est Mathieu. Mathieu, oui. Ouais, ouais, mais nous autres, on va voir. On ressemble, mais. Ouais. Cas, l'important, c'est que si le piano tombe, tu te tasses quand que je dis tasse-toi, porte-à-lance numéro 2. Parfait. Non, sinon, ben merci de t'accueillir, ça ben nous oui, fait plaisir. Ça, la dernière fois que je suis venu, c'était pas là, c'est quand même cool. Oui, tout évolue. Hein. Tout évolue, c'est malade, c'est comme un enfant. Puis c'est quoi, c'est comme un Pokémon. Exactement, level 3. Ah, moi, je dirais plus level 5. Et, ouais, êtes-vous pour ou contre les Pokémon Fairy? Ben, moi... Moi, je trouve ça correct, là. Moi, tout, j'aime tout. Fait, tout le monde a le droit... Ben, alors, dresseur, faites moi je suis pauvre. Il n'y a aucun Pokémon Fairy qui est juste Fairy. C'est comme, mettons, Jigglypuff, avant, il était normal. Là, il devient normal slash Fairy. Ah, que je regrette fairy. D'avoir parlé de Pokémon. Fait que c'est correct. Là. Ils ont le droit. Ouais, oui, ben, en fait, il y en a qui sont juste Fairy. Les clés Fairy sont rendus... Calisse, les gars, pour vrai, on peut-tu faire la chronique? OK. Fait que vous êtes venus nous parler de quoi? Ça serait drôle que ce soit de Pokémon Fairy. Non, ben c'est pas Pokémon, malheureusement. Ben, tu sais, nous, on a quand même grandi ensemble, puis on a quand même des références culturelles qui se ressemblent. On a à peu près les mêmes goûts, mais ça arrive des fois qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. C'est de ça qu'on est venu parler, ce qui nous mène à l'émission Monstre par erreur. Monstre par erreur. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ça. Ah, mais oui. C'était affreusement mauvais. En fait... Et voilà, on a un consensus, awesome. Ça valait pas la peine. C'est le pilote a été fait en 1996, au début de la 3D, en fait, le début du CGI. Donc l'animation est excellente, selon moi, car c'est un excellent début. L'émission a été diffusée entre 1999 et 2002, si je ne m'abuse. Fait que c'est pas mal ça. Puis moi, je trouve que c'est une excellente émission. T'sais. OK, fait que toi, t'aimes ça, toi, t'aimes pas moi, ça. Moi, j'aime pas ça. Mais je pense que c'est important avant tout de résumer le concept de l'émission pour vous mettre tout au même diapason. Fait qu'en gros, c'était l'histoire d'un petit gars qui avait 8-9 ans, puis il a comme pogné un sort à toute fois qu'il éternuait, il devenait un méga monstre bleu qui avait l'air de ça. Puis il était accompagné de sa sœur et du fantôme mort, juste. Ah, c'est... Et puis là, il vivait des aventures ouais, ou des aventures des allergies. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'a fait le sortilège? C'est un genre de diamant magique plus un livre de sortilège. Fait que là, eux autres, ils ont gardé ça chez eux. Mais là, il y a deux personnages, deux méchants dans l'émission qui veulent avoir ça pour dominer le monde, en fait. C'est comme un gros... Comment on pourrait dire ça? Un gros monsieur, ouais, genre un gros loser monsieur. Qui fait rien de sa vie. Promène avec un démon dans une sphère, genre. Un petit démon comme... dans... Puis en tout cas, ben ça, fait qu'on va commencer, ben, je sais pas, tu sais, sors ton premier argument pour vanter cette émission-là. C'est cool, parce qu'il parle avec un fantôme, le fantôme parle ouvertement de sa mort devant tout le monde, c'est comme, oh, moi je suis mort, mais c'est pas grave, je vis encore logiquement, moi je trouve ça cool parce qu'il parle avec les morts, tu sais. Ben ça, ouais, mais... ça ouvre quand même beaucoup de questions. Là. Beaucoup de questions. Ouais, mais moi je trouve que dans le fond, c'est juste deux rejets, parce que se tenir avec un fantôme, dans le fond, tu parles avec du vide, genre, dans le fond. Avec ouais, ok, un zéro pour porte-à-lance. Hein? C'est rien que des rejets. Sinon, ils ont des idées de génie, en fait. Comme j'ai dit plus tôt, à chaque fois qu'il éternue, il se transforme. Fait que ça, ça c'est fait... une idée de génie, ça. Mais non, mais pas ça, mais... en quelque sorte, oui. Mais pour contrer ce problème, ils trouvent des idées de génie. Comme par exemple, ils ont pris une pince à linge de leur mère, puis ils le mettent sur son nez, fait qu'il ne peut plus éternuer, fait qu'il ne peut plus se transformer en monstre. Ou mettons des antihistaminiques, mettons, y a-tu essayé? Comment? Des antihistaminiques, mettons, y a-tu essayé? Ah non, ça, non, je peux pas te dire, malheureusement. juste rendu à saison 2, je peux pas tout Puis tu sais, ben... c'est cool parce que ça rend les enfants débrouillards à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc moi, je trouve comme, c'est quoi, c'était Benoît Brisefer, puis il y avait aussi la fée dans Kid Vidéo. Des affaires qui éternuent, puis là ça donne des pouvoirs, là, puis ça change les affaires. En tout cas, ouais. En tout cas, moi j'aimerais contre-argumenter avec le fait que dans le fond, tu sais, ça encourage les enfants à aller voler les pinces à linge de leur mère, là, puis là ils se mettent sur le nez, ils les perdent. Puis là c'est comme, oh, c'est où qu'on a mis ma pince à linge, puis là ben, c'est un mauvais exemple pour les jeunes, je crois. Mais. Moi, je pense que Portelance a gagné cet argument-là. Ouais, ouais, définitivement. Portelance 1 ou 2? Portelance. Ah, okay. C'est nous autres qui décident, ça. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que le monstre, il éternue toujours au bon moment. Fait que ça prouve aux jeunes qu'on peut contrôler et contourner nos problèmes. Fait que, tu sais, quand des fois, là, il faut qu'il se retransforme, pogne de la poussière, puis il se transforme. Fait que ça prouve qu'il peut détourner ses problèmes, puis tout, puis qu'on est capable de foncer dans la vie. Pis... Ouais, mais là, on parle juste d'éternuement. Là, on parle pas d'une crise d'épilepsie ou bien des grosses affaires. Ben, je pense que tu peux pas être trop jeune. Tu peux pas être trop jeune pour apprendre que tu peux signifier quelque chose pour t'aider. Non, mais je pense que ce qu'il dit, c'est... Je pense que ce qu'il dit, c'est... Quand la vie te donne de la morve, fais de la morvonade. Ouais. Sinon, à l'école, il y a un intimidateur, il s'appelle Billy. C'est un petit gars qui est roux, puis il écœure tout le monde, tu sais. Puis il se remet tout le temps à sa place. T'sais, tout le monde se met contre lui, puis il leur pousse, puis c'est comme « Lâche-le tranquille, il t'a rien fait, puis tout. » Puis à un moment donné, il y a eu un moment de révolte, il y a eu un food fight à la cafétéria, il se lançait de la pizza, puis des pepperonis. Fait, t'sais, ça montre aux jeunes à la maison qui se font écœurer à l'école que tu peux vaincre l'intimidation, puis si tout le monde se met ensemble, on peut la vaincre. T'sais, ça prouve là, qu'on est capable. Là. T'sais, c'est un intimateur... J'ai appris à parler hier, désolé. C'est un intimidateur roux, là, quand même. Ouais, ben, ouais. C'est pas réaliste dans un sens. C'est vraiment comme un challenge. Je pense que les gens qui travaillaient à cette émission-là avaient juste aucune conscience de comment que ça marche pour vrai dans un cours d'école. T'sais. Mais en tout cas, peu importe, moi, à ça, je réargumenterais le fait que, justement, les food fights, lancer de la pizza, ça encourage les jeunes à gaspiller de la nourriture. Fait que, tu sais, les petits-enfants en Afrique, pensent pas à ça, c'est pas correct, ça. C'est vrai. Je te dis, fuck it, c'est de la 3D. Ils peuvent multiplier les points de pizza dans le logiciel puis en mettre 5 millions s'ils veulent. C'est pas grave, c'est de la 3D, tu sais. Marche pas de même dans la vraie vie. On va se le dire. Oui, le combat prend rage. Ah oui, avec le gros sourire d'en face. Ah oui, ben oui. Ah ben vous le voyez pas à l'appart des fois, c'est... Moi, je pense qu'on arrive à l'argument le plus fort, c'est que la chanson thème, elle a vraiment pas d'allure. On dirait une toune de Yellow Molo. Ben non, c'est les tounes de Yellow Molo qui ont copié Monstre par erreur, c'est clair. Non, attends un peu. Yellow Molo, si je ne m'abuse, ça date de 1992, tandis que Monstre par erreur, c'est en 1999. En 92, personne connaissait Yellow Molo, puis même aujourd'hui, personne connaît ça, tu sais. Ben moi, je connais... Fuck it, là. Ben moi, je connais c'est, ça. C'est vrai que la toune la plus populaire, c'est la reprise du thème du Petit Castor. Exactement. Fait qu'on demandera au DJ de faire jouer les deux tunes. La première, ça va être Monstre par erreur. Et ensuite, c'est une tune de Yellow Molo, tu sais. Fait que ça sort. On sent l'inspiration. On sent que ça se ressemble. Fait que je sais pas si. Ah oh ouais, ça s'en vient. Ça, c'est Monstre par erreur. La mer dans la raison, on se saoule aux secondes d'illusions. Ouais, ben. Hey, c'est comme une toune de Yellow Molo qu'on n'a jamais entendu personne. Non, mais c'était peut-être une toune inédite de Yellow Molo qui a servi de thème à Monstre par erreur. Ou peut-être juste que Yellow Molo, ils ont voulu se lancer en anglais, mais étant donné que c'était déjà de la merde, ben, ils n'ont pas pu se lancer en anglais, ils ont resté en français. T'sais. Et voilà. Ben, moi, je pense que ça n'a pas d'allure quand même. Tu sais, Yellow Molo, ça reste quand même pas mal plus hot que le thème de Monstre par erreur. Moi, je pense qu'on peut faire un accord. Je dois avouer que Monstre par erreur, c'est de la grosse merde. Si que t'avoues qu'Yellow Molo, c'est aussi de la grosse merde. Ça, let's go, oh, les gars. On a un bon consensus. Bon, OK, c'est correct, là. Le ska, c'est de la merde. Ah oui. Oh! Oh oui! Oh oui. J'aimerais terminer les gens qui applaudissent pas ça, ils ont pas d'âme en passant. Moi, j'aimerais finir ça en vous demandant... connaissiez-vous ça, cette affaire-là? Le monstre par erreur. Ce déchet-là? Non. Moi, je connaissais ça. Ouais, t'en pensais quoi? Je pense que j'étais trop vieux, anyway, mais... Tu l'écoutais pas? Non, je l'écoutais pas. J'en pensais que je l'écoutais pas. Ah, ben ça avait l'air plate d'un pub, fait qu'on l'écoutait. Voilà, c'est ça. C'est quand même spécial, parce que l'animation, on dirait qu'elle roule à 12 images secondes, tu sais, c'est quand même écœurant, là. Tout est comme... Ça bouge de même, c'est vraiment malade. En tout cas, si vous voulez aller voir ça, il y a des épisodes en anglais sur YouTube, si vous avez du temps à perdre. Et voilà. C'est ça. Merci beaucoup, les portes à lance. Sabristi. Toi, ça te dit rien, ce gars? Ben oui, j'ai écouté ça quand j'étais petit. Moi, je capotais là-dessus. Ah ouais, t'aimais ça? Oh, ouais, ah, j'ai éternué plein de fois en voulant être le monstre, mais non, ça n'a jamais marché. Ben, t'es comme la première personne que je rencontre qui me dit qu'il aimait ça, parce que tous les gens que je lui parle de Simpsons, ils disent « Ah ouais, c'était tellement de la merde, c'était tellement mauvais ». Toi, tu connais des mauvaises personnes. Bon, ben on va. Ou tu connais des personnes qui ont plus de 21 ans. Là. Ouais, ça doit être ça. Souvent, la nostalgie, ça devient un facteur qui est assez gros. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on est prêt pour le prochain, Nick. Bon, oui. Je ne serai pas à main séparée, on finira jamais, Galice. Bon. Ça va-tu bien, les amis? Ouais. Les autres? Ouais. À toi aussi, Galice. Va chier. Fait que, non, mais cette semaine, on parle de quelque chose d'assez important. C'est une discussion ouverte, hein, tu vois, j'ai pas de joke, d'écrit, j'ai juste des petites notes. Il y a deux semaines, la France a passé sa fameuse loi sur la transition énergétique. Hein? Et une loi sur la transition énergétique, ça fait en sorte que maintenant, l'obsolescence programmée en France est passible de 2 ans de prison et de 320 000 euros d'amende. Hein? Ouais, ça commence à être quelque chose que tu veux éviter. Hein? Ouais, vraiment. Calme-toi, OK? Non, mais tu sais, ça a le dos large, ça, une loi, là, tu sais, je veux dire, c'est des compagnies privées qui font ça, les objets qui scrapent vite, puis quelque part, ben, tu sais, c'est qui dans la compagnie qui va aller en prison? En tout cas, c'est une des questions à laquelle je n'ai aucune réponse. Et, ben, l'obsolescence programmée, il était une fois un Américain, hein, faut le dire, encore une fois, ils se sont surpassés, les États-Unis d'Amérique du monde, mesdames et messieurs. Les seuls. Bernard London, un Américain. Et là, je dis son nom comme ça, mais même à l'époque, tout le monde l'appelait trou de cul. Fait que, vas-y comme tu le sens. À la fin, c'était juste, hey, quoi, va chier. Tu sais, c'était clair. Fait que, à Seoul, il y avait une idée. Il est en 1932, pleine crise économique. Tu veux stimuler l'économie, hein? Et là, tu te dis, ton plan est très, très simple. Tu dis, fabriquons différentes gammes de produits. C'est-à-dire du plus cheap au plus luxueux. Hein? Comme ça, même les plus pauvres pourront continuer d'acheter malgré la crise. Et tout ça stimulera l'économie et le véhicule économique pourra repartir vers le mur promis. Tu comprends? C'est parce que ça va vite. Tu sais, le véhicule économique est... Ben, en fait, c'est la seule discussion. Là, il faut que le véhicule économique aille bien, ben, sinon on focus juste là-dessus. C'est là. Ça. On l'ignore, mais chacun d'entre nous faisons pas mal ça toute la journée de l'économie. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, non, toi, je sais, tu dis non, moi, je fais pas ça. Bon, tu te fais fourrer. C'est correct. Beaucoup plus que moi. Moi, j'en sais le tiers et j'ai vraiment l'impression d'avoir des pénis dans le cul. J'ai le cul tellement large, en fait, que je ne sais plus si je saigne ou je chie. C'est comme ça qu'on le dit dans ma famille. Et qu'est-ce qu'une crise économique? Eh bien, une crise économique, c'est quand le véhicule économique ralentit. Et ça, dans une courbe, pour arriver vers le mur promis, c'est interdit. C'est pas dans les règles. Le véhicule ne peut pas ralentir. Ouais, devant un ralentissement, les économistes sont BA. Ben oui. Voilà. Ça prend une croissance exponentielle régulière. Oui, constamment. Ouais. Constamment. Et qu'est-ce qui fait ralentir le véhicule économique? Hein, ben, c'est la diminution des achats. Voilà. La diminution des achats. Parce qu'on se le cachera pas, hein? C'est celui qui achète qui alimente l'économie. Et l'économie, c'est quoi? Non, ils sont là. Hey, dis-moi-le, parce que aucune idée. Ça, c'est une forme d'économie, voilà, mais c'est un mensonge. Tu ne sauves pas 5 cents. Tu vas le dépenser ailleurs. Tu vas voir. L'économie, c'est quoi? Écoute, l'économie, c'est simplement la production, la distribution et la consommation de biens et de services. OK? Je vais te le répéter. la production, la distribution et la consommation de biens et de services. Hein? Comme je te disais tantôt, on fait ça tous les jours, tout le temps. Hein? En gros, c'est des usines, des magasins, puis toutes nous autres qui payent sans arrêt pour acheter ce qu'on veut. Comme ça, on distribue ça, cet argent-là. Elle nous arrive dans les poches, on la redistribue. Elle nous arrive dans les poches, on la redistribue. C'est comme une ronde, une farandole... de l'argent. De l'argent. Ouais, ouais. Je pense il faut que ça, ça circule. Faut que ça circule. La balade des billes de vin. La balade des billes de vin. Ouais, voilà. Et là, bon, c'est sûr que tu dis pas ça à quelqu'un. Tu dis pas, nous autres, gars, nous autres, on a des usines, on a des magasins, faut que t'achètes le plus tout le temps plein d'affaires. Tu sais, le monde te regarde bizarre. Hein? On s'entend, ça marche pas de même. Là, d'ailleurs, le trou de cul, lui, son idée n'est pas passée au début. Là. Le monde, il s'en doutait. Là. Il était là, réduire la qualité des choses. Je crois qu'il y a une crosse. Tu sais, c'est ça. Dans la plus pure tradition de l'intelligence humaine. Et en effet, c'était une crosse. En effet, c'était une crosse. Et qui, on s'en doute bien, n'encourage en rien l'ingénierie humaine. Hein. Et Seigneur, imagine... Ben même, ça fait le contraire, vu qu'il a fallu développer des techniques pour être moins bon. Voilà, imagine, tu veux devenir ingénieur, puis tu te rends compte en plein milieu de tes études que si tu veux une job, ben, va falloir que tu mettes toute ta créativité à trouver un moyen révolutionnaire pour réduire la durée de vie d'un modèle de bonne nylon, tu sais. Quand tu le sais pertinemment, parce que t'es ingénieur dans ton cœur, que le nylon bien fabriqué peut durer des dizaines d'années. Voilà. Comme si devenir adulte était d'étouffer complètement l'espoir et la créativité chez l'être humain et de le remplacer par le profit et l'obéissance. Mon Orwell, toi. Ah, c'est pas drôle. Puis aujourd'hui, c'est différent. Hein? Aujourd'hui, c'est différent parce qu'avant, tu le sais, Tommy, avant, le monde était en noir et blanc. Le monde marchait plus vite, puis il n'y avait pas besoin de parler. Il y avait de la musique qui accompagnait leur vie, Tommy. faut dire que dans les années 30, hein, le monde ne savait pas que ça allait mal. Et c'était ça le problème. Il était trop occupé à s'acheter le nouveau ci, puis le nouveau ça. Parce que c'était une période que l'on appelle en économie de prospérité. Et ça fait sur le cerveau humain une drôle de chose. C'est qu'on se met à accumuler des biens, à en acheter beaucoup, rapidement, parce qu'ils sont disponibles, les choses sont prospères. T'sais. Fait que là, t'achètes des choses, mais tu les utilises pas jusqu'au bout. Fait que tu jettes les choses qui sont encore bonnes. Et si tu regardes attentivement, partout autour de toi, quand tu te promènes à Montréal, il y a, mes amis, des trésors inestimables de choses qui sont encore très, très, très bonnes et durables dans nos hosties de vidange. Personnellement, à la maison, on a deux TV plasma qu'on a trouvés dans les vidanges, un ordinateur portable, plusieurs cellulaires très fonctionnels, des écouteurs. Hey, vous jetez vos écouteurs quand vous achetez des iPods, et si vous vous mettez des gros crises d'écouteurs, on en a là, un ampli de guitare. Flambant new à la pièce, man. Un ampli de guitare d'invident. Il était graffié. Une flûte traversière. 450$ sur eBay. Une flûte traversière dans les vidanges. Et ça, c'est seulement la semaine passée, tu sais. Grosse semaine, mon Mathieu. Voilà. Non, on l'a très certainement dans le QND. Est-ce que tu penses, si tu me permets, est-ce que tu penses que, là, c'est tout le monde est d'accord, là, c'est important de combattre ça, l'idée de l'obsolescence programmée. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'il est trop tard? Ben, ça se fait dans les mentalités. Tu sais, la France, c'est de l'éducation. Ouais. C'est à toi-même changer ton comportement. Ta voisine, elle va te voir aller, puis elle va dire « Ah, ben peut-être que je vais pouvoir la garder, cette petite chaise-là, tu sais, hein? » Puis même, si tu me permets, j'encourage les gens à emprunter. Hein? Moi, j'ai tout le temps l'anecdote de mon père à son chalet qui avait sa tondeuse à gazon au chalet pour passer la tondeuse au chalet. Et là, je lui ai dit « T'amènes-tu celle-là chez vous? » Il dit « Ben non, j'en ai une autre à la maison. » Fait que là je dis « Ben là, t'es à deux tondeuses, pourquoi t'empruntes pas celle du voisin? » « Ben non, ça se fait pas, ça. » Fait que N'hésitez pas, tu sais, des fois on peut comme acheter une tondeuse pour 7 personnes, puis là toi t'as la passe le lundi, lui le mardi, fait comme ça on vient de sauver 6 tondeuses juste à parler aux voisins. Ouais, mais l'échange et le partage, là, le partage là dans la courbe économique, ça a été enlevé dès le début. Ouais, c'est, on veut ça, pas. Ça a été emprisonné dans un sous-sol. C'est parce que, parler à du monde là... Non, parle pas du monde à Montréal, tabarnak, pour venir te voler chez vous, c'est toutes des hosties de drogués, c'est une putain ta voisine. J'ai même pas eu besoin d'expliquer ma pensée, tu sais. Voilà, je l'ai résumé, c'est comme ça. C'est la peur, les amis, c'est la peur qui nous empêche d'être les humains que nous sommes. Ça vient de qui, ça? C'est moi. De Mathieu Boudreau. Voilà. J'ai des frissons aussi. Ah oui, c'est le début du mois d'août, tu sors le grand voilà. Jeu, mais aujourd'hui, c'est pas pareil, hein? Aujourd'hui, c'est en couleur. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est en 3D, ça va être une trilogie, puis on va parler de la bonne vieille nostalgie. Oui, oui. Voilà. On aime ça comme ça. Par contre, ce qui n'a pas changé, hein, c'est la mode. La mode, ça, tu le sais, m'inquiète pas avec ça, ça revient. Sauf le pastel puis le fluo. Oh! Oh, y a t'as des détracteurs déjà! Hey, écoute, ça se dit pas de la courbe n'est que plus grande, Tommy. Ouais, je comprends ce que tu veux ça dire. Ça reviendra. 4 saisons par année dans la mode. Voilà, il va toujours y avoir une vente de fin de saison. Il va toujours y avoir un dernier modèle de char. Il y aura toujours un nouveau lecteur CD. Un écoulement de stock à 70% pour faire la place pour le nouveau matériel. Absolument. D'ailleurs, on est encore un petit peu dans le Boxing Day du campeur. Ouais. Ben d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas venu la semaine passée. Hein. C'était le Noël du campeur. J'étais dans ma famille. Non, ben c'est comme ça. C'est comme ça. L'obsolescence programmée est un peu le carburant du véhicule économique, hein, c'est-à-dire qu'il alimente ce véhicule qui va de plus en plus même vite. Même le boost de nitro. Oui, solide. Tu sais. Et puis, la mode en est le moteur. La mode est le moteur de l'économie. C'est ce qui la stimule avec sa loi du goût du jour. Tu vois? Parce que si on t'expose le modèle économique comme ça, là, puis qu'on te motive pas, là, toi, t'es pas cave, là. Tu vas dire, je crois qu'il y a une crosse. Tu sais, c'est assez évident. Bon. Et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Good looking people. Hey, Zoolander 2. Tant qu'à avoir un autre Batman. Ouais. Hein? Il y a personne ici qui peut dire qu'il est écœuré de t'entendre parler de Zoolander. Non, ça c'est clair. T'sais. Il va avoir même un Kung Pao 2, ça, je suis très content. Ouais, aussi, Kung Pao 2, ça va vraiment, vraiment fucking cool. Puis quand on a vu ce qui s'est passé avec Dumb and Dumber 2, hey, on peut s'attendre à quelque chose. J'ai trouvé ça correct, moi, le 2. Ok, excuse-moi. De malade. Il y a aussi Beetlejuice 2, je crois, qui est dans les... Avec Batman. La boucle est bouclée. Moi, j'ai assez hâte qu'il sorte Robin, là. Le film Robin, ouais, tu sais? Oui, le film Robin. Aye, ça va être... Okay. Ça sonne gay. En tout cas, peut-être que ça ne sera pas. Là. Ben, parlant de sonorité, j'aimerais ça terminer. Parce que là, hein, ça, l'obsolescence programmée, la France a ouvert le pas. Oui, bravo. Tu sais, bravo la France, bravo. Pour une fois que je suis... Pour une fois hein, qu'on... Pourquoi qu'on applaudit la France? Je dirais que c'est un bon moment parce que, tranquillement, pas vite, la Chine va perdre l'exclusivité des moyens manufacturiers au monde avec la montée de l'imprimante 3D. Oui, Là, si on réussit à établir des normes de qualité qui sont solides, avec des nouvelles manières de produire des produits qui vont être plus proches des gens, qu'on n'aura pas envoyé en bateau, parce que, tu sais, on pogne le pétrole ici, là, on l'envoie en Chine, ils en font du plastique, là, ils le renvoient ici sous forme de bébelles dans les mini festins, et puis là, on l'achète, on joue pendant 3 semaines, on met ça au vidange, ça retourne en Chine à être recyclé, c'est le cycle de la vie. C'est ça. C'est le cycle de la vie. Ouais, exactement. Le cycle Internet. Plus de liberté sur Internet, hein? Les lois sur Internet, un gouvernement qui veut s'inviter sur Internet, ça n'est pas une bonne idée, OK? C'est une des seules places au monde où on a encore pas mal de liberté. Il faut garder ça. C'est important, peer-to-peer, OK? C'est important. La connaissance, le savoir est sur Internet. Nos grandes bibliothèques s'invitent sur Internet. C'est le temps de garder ça pour nous, hein? Et de ne pas avoir à payer pour ça. Voilà. Parce que là, à un moment donné, ça va faire payer, OK? On est tous tannés. Puis il y a des raisons pour ça. Serais-tu même qu'on est écœuré? On est pas mal écœuré de payer. Ça a été dit! Sinon, quelque chose de plus relax, là. Il y a un de mes chums sur Facebook. Il a fait le statut suivant. B. Saint-Paul Stanley. Paul Stanley, c'est le guitariste de Kiss. B. Saint-Paul Stanley. Sans suivi, 277 posts de gens motivés. Donc, j'ai les meilleurs. C'est-il Aridoff? On commence quelque part. Claude Dubois de Boulogne. Soldat Louiseville. L'Épiphanie Bloom. Roger Ottawaters. Il est de moi, celui-là. Tu le frère d'André Ottawaters? Oui, exactement. C'est bon. Qui est mort dans un incendie en sauvant les gens. C'est celui qui a écrit « The Walmart ». Ouais. Another Brick in the Walmart. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un grand album. Là. C'est l'album rouge là, avec des briques. Ouais, c'est ça. Des vitres pétées. Il y a un rond bleu dans le milieu. C'est super. Moi, je l'ai acheté en spécial. En tout cas. Cornwall. Rivière du Jean Leloup, c'est correct. Chicouti Mick Jagger. Ah! Les fous... Forestville Fighter. Oh man. Là, on sent qu'on arrive vers les derniers. Brooklyn King Park. Brooklyn King Park. On arrive au dernier. Ouais, là. on arrive au dernier. Fait que Nirvana Mkui. ou I'm Queen of the Stone Age. Ouais. C'est comme tu le sens. Sinon, on a Natasha Queen. Ouais. La terre de Gilles Vigneault, hein, Natasha Queen. Abiti Beetle. Radio Edmonton. Trois Sex Pistols. Ou sinon, mon préféré, de Mars Volta Doussac. Hein? Excellent band de progressif. Ben, et le dernier, je te laisse là-dessus. C'est nos classiques. Hein. Faut respecter les grands compositeurs classiques. Il s'agit de Amadeus Mozart. Merci. Mon nom est Mathieu. Ne manquez pas la semaine prochaine où j'aurai un sujet de chronique et un texte. Ben, c'était très bien. Merci beaucoup à Mathieu Boudreau. Non, c'est une discussion importante à avoir, ça. Ouais, quand même. Moi, j'étais vraiment plus à l'aise quand on parlait de Pokémon que d'économie. Ouais. Fait que toi, t'es pour les Pokémon Fairy. Ouais. Ok. Ouais. Ça l'aide à l'économie aussi. Non, mais c'est correct si t'es en crise de l'économie. Oh. T'es déjà mort. ça nous amène à... Oui? Mais je suis humoriste, là. Je sais pas vraiment comment faire de l'argent, là. C'est ça mon choix de carrière. Là. C'est vrai. Sa mère est triste. Je suis auteur, compositeur, interprète. Ah, il a gagné! Humoriste. Donc, je fais à peu près la même chose que toi, c'est-à-dire on me paye en bière. Non, Mathieu, on te paye en chèque de BS. Oh, it happened. Hey, ça veut dire, Nick, on est rendu à la pause? En effet, je suis très content de réaccueillir Chinook qui était parti pendant 2 semaines. S'il vous plaît, tout le monde, on applaudit Chinook, le plus grand, le plus unique de tous les danseurs radiophoniques de l'histoire. Et il va danser, mais attention, ça va être notre cher collègue Jonathan Simon. De qui c'est la fête? Oui, qui va se lever et qui va aller chanter au karaoké. En attendant, on va dire « Bonne fête, Jonathan! Bonne fête, Jonathan! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête, Jonathan! Fourré dans ta... Copyright Warner Brothers. It happened. Hey, il va pas trop loin, Jean-François. C'est de la petite pause. On vous laisse ça. On est de retour dans 5 minutes pour la fin de 70%. Yeah! Everyone watching to see what you will do. Everyone's looking at you. Ooh. Everyone's wondering, will you come out? Everyone's looking to see if it was you. Everyone wants you to go through. Everyone's open, it'll all work out. Everyone's waiting, they're holding out. Everybody's working for the weekend. Everybody wants a new romance. Hey, hey, everybody's going off the deep end. Everybody needs a second chance. Oh, you want a piece of my heart? You better start for the start. You wanna be in the show? Come on, baby, let's go! Alors, je vais poursuivre avec une petite spécialité. On est de retour à 70%, voilà. Avec notre invité Jean-François Denommé, comment ça se passe pour toi à date? Ah non, voilà. Toutes les micros, ok. Ah, donc, oui, ton expérience à 70%? Ah, mais j'aime ça à date. On manque de micros ici, là. Allô? Yeah! Non, mais j'aime ça à date, comme on sait, c'est quand même cool, j'aime ça. La la la. Oh, yeah. Prends ça. Rock on. Hey, il y a du swappage de micros. Là, t'es en train de nous dire que tu trouvais ça cool en te faisant un chalet avec des micros. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Moi, du costage de micro, le micro musical, le je micro trippe musical à fond. Ben, je pense, en fait, il nous reste genre deux chroniqueurs, puis on va réessayer quelque chose, là. On va avoir la deuxième batch de nouvelles à Bruno maintenant. Vas-y, Nick. OK. On s'en retourne dans l'univers. Après l'avoir quitté momentanément. Alors, un homme de Medford, Oregon, est entré dans un dépanneur 7-Eleven avec l'intention de voler $50 et des cigarettes. Donald Cheney, 60 ans, a pointé son arme sur le commis, c'est-à-dire son doigt qu'il avait placé en forme de fusil, là, comme ça. Il semblerait que l'homme ait oublié de mettre sa main dans sa poche. Ah, comme dans Fred Caillou, là. Révélant ainsi son manque flagrant d'armes à feu. Il a été arrêté et accusé de vol au troisième degré. Ça veut dire un vol sans main armée. Ah, c'est le fun, on apprend des affaires. C'est quoi, c'est un vol avec une attitude de vol. Avec donc l'intention de prendre quelque chose par la force, ouais. Mais sans armes. Et mettons le side effect, les répercussions de faire rire de soi beaucoup. Aussi, ça, effectivement. C'est le vieux monsieur de 60 ans, puis là, il y a le commis, il est en arrière, puis lui, il peut peser sur un piton, tout est barré. puis il ne reste plus qu'à rire du monsieur. Ça devait être une belle expérience. Ah, j'imagine. Il y a des vols qui peuvent être traumatisants, mais pas celui-là. Pour le monsieur de 60 ans, peut-être. L'histoire ne dit pas s'il a eu 50$ et des cigarettes. Non, il y en a pas. Que le gars en arrière, non, il a dit, ben, j'ai juste 3,20, je te donne 60. tu changes. Un homme est entré dans un restaurant Subway de Coney au Rhode Island avec l'intention de le voler. Il s'est approché des employés avec ce qu'il semble être un T-shirt attaché à sa tête à l'aide d'un sac de plastique et a demandé l'argent de la caisse. Croyant probablement qu'il n'était qu'un autre client, les adolescents qui travaillaient ont agi en conséquence, c'est-à-dire qu'ils l'ont ignoré. Demeurant sans réponse, l'homme, visiblement exaspéré sur la vidéo de surveillance, a quitté les lieux. La police est toujours à sa recherche. Non, mais pour vrai, tu voles un Subway. T'as clairement échoué ton cours de voleur quelque part, là. Il y a quelque chose de foxé un cours. Ben, ce qui est sûr, c'est que tu t'arranges pour retourner à l'école des voleurs. Non, c'est ça. Elle met 50$ puis des clubs, c'est correct. Mais lui, la caisse puis un 12 pouces, c'est quoi, là? Ce qui est sûr, en fait, c'est que selon moi, les vols de dépanneurs, c'est. On commence à moins 6. Il n'y a aucun bon plan qui se passe, qui s'appelle un vol de dépanneur. Ça se peut pas, tu sais. Sans gun, là. Sans, ouais, ben, en plus, en tout cas. Une petite dernière. Oui, Matt Thomas, de Macadam de Queen... pardon, je recommence. Matt Thomas McAdam de Queen Bean à East, en Australie, a été accusé d'avoir conduit en utilisant son téléphone. L'homme de 23 ans avait décidé d'utiliser comme défense le fait qu'il ne possédait pas de téléphone. Tout allait bien lors de son audience jusqu'à ce qu'une sonnerie de téléphone se fasse entendre. Il s'agissait bel et bien du téléphone de McAdam. C'est pas ma sonnerie de téléphone, c'est moi qui a pété. Voilà. Donc, pas de nouvelles à savoir qui l'appelait à ce moment propice. Il devra payer une amende de 1000$. Aïe, c'était des belles nouvelles. Et sinon, oui. Ben, je me permets une bonne nouvelle, 70%. Oui. Oui, pour le FME, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, douteux.org, on va envoyer encore une délégation. Très content d'y retourner. Ça va être notre troisième fois, la deuxième année d'affilée. Moi, Bruno et quelques autres amis de la bande, on va aller faire un tour là-bas. Mais il va y avoir quand même un show ici, ce qui veut dire qu'on va être partout au Québec en même temps. Oui, oh, oui, très content. On va être à deux places au Québec en même temps. Ouais, juste. Et un petit peu ailleurs. Oui, un petit peu. On a des restants à Québec, à Shawinigan, à Sherbrooke. Sinon, ben oui, puis au Café Atomique qui s'en vient jeudi, on a un film, ça s'appelle le Beach Party. C'est un folichon des années 80. T'aimes ça, les films folichons? C'est quoi les films folichons? Comme après ski. Ouais, exactement. Oh. Mais ça a l'air nice, pour vrai. Moi, j'ai écouté un film spécial qui s'appelle Kung Fury récemment. Un 30 minutes, c'est vraiment intense. Ouais, Kung Fury, c'est bon. Kung Fury, ouais, ça, c'est bon, ça. Ouais, ouais, il y a de tout, là. Hitler, puis il y a Tyrannosaure. Ouais, ouais. Triceracops. Ouais, ouais, le Triceracops, effectivement. Bon, mais ça nous amène à continuer le show. Let's go, Nick, prochain chroniqueur. Hey, salut tout le monde. Hey, salut, Birthday Boy. Yeah. Donc, aujourd'hui, pour ma fête, j'ai décidé de me gâter. J'ai décidé de vous parler de mon top 10 de mes publicités préférées. Ah! À ce point-là. Il y en a pourquoi je vais avoir les sons, d'autres, je vais plus les expliquer. Et voilà. Je vais plus en parler. Puis ça, vous allez voir que je connais beaucoup trop de choses là-dessus. Ça en est épeurant. On est tous déjà un petit peu sur le bout de notre chaise. Je vais commencer par mon numéro 10. C'est une pub qu'on connaît bien ici à douteux.org. C'est la pub du Palais du Commerce. Nico, si tu veux partir cette toune-là. L'intégrale. On voit que t'as travaillé ses sous-titres, toi. Ouais, c'est ça. T'avais même toutes les... ouais, ben, à peu près, ouais. Ben, pour les sous-titres, je pense que j'avais... Je te dois une grosse bine. Passe au numéro 9. Attends, c'était pas une joke, ça, l'affaire des sous-titres? Non. Non, okay. J'avais sous-titré beaucoup de jingles publicitaires. Excellent. Au 2 ans. Ouais, c'est bon. Ça. Ouais. Ma 9e, là, j'ai pas le son pour celle-là. C'est la pub de la crème avec Cléopâtre puis la crème. Plein de monde qui prennent la crème avec la petite chanson. Une touche. De crème. Non, c'est pas celle-là. C'est genre, il y a une espèce de chanson en je sais pas trop quel langage. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a le titre de cette chanson-là, mais en tout cas. Oh, hey boy, ça limite, va prendre des indices parce qu'à date, t'as parlé de publicité de crème qui date d'avant sa naissance à lui. T'es né en quelle année? 93. Ok, non, ça date quand même de. Ça date de 98, celle-là, quand même. Ok, t'es un believer. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Numéro 8, c'est une pub des essuie-tout ScottNet Ultra. C'est comme les Scott Towels. C'était une madame que tu te rends compte au fur et à mesure qu'elle se démaquille que finalement c'est un monsieur travesti. Puis ça c'est drôle. Non mais Normand Bradway, il se déguisait tout le temps en fille avant quand il était drôle. Non mais tu sais, j'en parle comme ça aujourd'hui, à mon âge, puis je me dis, bon, c'est pas grand-chose, le concept est très très simple, mais quand t'as 5-6 ans, c'est drôle. J'ai rien à rajouter. Ouais, puis tout le monde sait que le public cible des papiers essuie-tout, c'est les enfants de 5-6 ans. Effectivement. Numéro 7, c'est une annonce de des billets de loterie dollars d'été. OK. Puis je l'ai retrouvé récemment, en plus, la pub. Je pense que j'en ai parlé à plein de monde que je la cherchais. Ouais, ça me dit quelque finalement, chose. Je l'ai retrouvé. Dollars d'été. C'est Benoît Brière qui passe sur une corde à linge. C'est une des premières pubs de Benoît Brière. Avant qu'il fasse les pubs de Belle. Tu viens de me briser, Bruno, là. Donc, ça a été... Il pleure, là. Mais bon, on va changer les idées. Ben oui. Puis on va partir une petite pub de Clorette avec une chanson que je sais pas s'il y a du monde qui s'en rappelle. Robert Marien, ça. Ouais, c'est Robert Marien. Il y en a qui prennent des petits bonbons et d'autres des imitations. Mais méfiez-vous, moi je vous le dis, car sans Clorette, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Clorette, c'est plus que du bonbon, pas de copie d'imitation. Prenez Clorette, moi je vous le dis, car sans Clorette, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Clorette, mais allez, c'est vraiment plus que du bonbon. Donc, pour ceux qui se rappellent de la pub, il y avait un gars qui se changeait en poisson. Il y avait la fille qui joue dans caméra café. Gousse d'ail. Ouais. La fille qui se change en gousse d'ail, c'est ouais, ça. Ouais, c'est la l'avocate de caméra café. Numéro 5, c'est une pub que j'ai juste l'image chez nous, j'ai même pas le son, parce que j'ai trouvé ça dans un épisode de l'heure JMP qui était sur YouTube, mais ils ont mis le son de Radio Énergie par-dessus, puis t'entends juste Jean-Marc puis les co-animateurs parler, fait que j'ai juste l'image, c'est une pub de Desjardins. En fait, il y avait deux pubs, c'était, il y en avait une, le gars il écoutait de la musique, puis il y avait son auto qui rentrait dans la fenêtre, puis l'autre c'est une souffleuse qui passe. Pis, tu te rends compte à la fin de la pub que la souffleuse, en emportant le banc de neige, elle a apporté un char aussi. Donc... Ça se peut. Ouais. Ben mais ouais. Il manque encore le son. Je suis toujours à la recherche de celle-là. On y va avec le numéro 4. C'est une pub de dépannation de couche-tard et ça va comme suit. Comme ça, couche-tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, du nouveau. Couche-tard, c'est maintenant de dépannescon. Oui. Belle Pepsi, pas cher. C'est des dépannescon, ça vend des prix de supermarché. Non, ben ça... Y'a rien de croche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chidou. Pour une fois, on est tous d'accord. Dépannescon, couche-tard, dépannescon. On dépanne aussi l'économie. Dans le temps, couche-tard vendait à des prix de supermarché, puis je suis retourné il y a pas longtemps, puis c'était des prix super à chier. En tout cas... De la rédaction, mon Jonathan! Enfin! On a reconnu les imitations de Brian Mulroney, Jacques Parizeau, Robert Bourassa et Jean Chrétien. Ah, non, moi, c'est André-Philippe Gagnon, ça? Je sais, ou Pierre Verville, ou okay. Jean Guy Moreau. Parce que c'est juste comme presque toutes les personnes que t'as nommées. Moi, j'ai reconnu personne. Non, c'est... Ça sonnait comme un ouais, c'est un peu ça. Numéro 3, on avait les pubs de Duracell avec... tu sais, il y avait tout le temps le monstre rouge qui restait à la fin. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'avais peur de ça quand j'avais 5 ans parce que le monstre, il apparaissait dans l'écran puis genre, ça m'a un peu fait capoter. Tes parents te laissaient écouter n'importe quoi. Ok, mais là, t'avais plus peur du monstre que du monsieur qui fait « Eh oui! » Moi, ça m'a perturbé. Ouais. Moi, mes parents me laissaient écouter n'importe quoi. T'as pas idée. Okay. J'en parlerai avec ta mère à un moment donné. Là. Ouais, ouais. Numéro 2, c'est les pubs de Zodiac avec Danny Verven. On en a déjà parlé. Oui. Ça, pour une raison que j'ignore, ça jouait quand j'avais 3 ans, ok? Pour une raison que j'ignore, je partais à brailler à chaque fois que je la voyais parce que j'avais peur. Là, aujourd'hui, j'ai fait la paix. Merci. aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Et puis c'est ça, il y en ben, a c'est trois. Ton numéro 2 quand même. Ouais, c'est mon numéro 2, donc c'est ça. Puis il y avait 3 pubs, il y en avait peut-être plus, j'en ai trouvé 3 différentes. Puis mon numéro 1, c'est la toune qui reste et ça va comme suit. Il y a la crème fouettée, il y a les choux à la crème. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème renversée, il y a la crème arrasée. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème le monde, il y a la crème brûlée. Il y a la crème de beauté, il y a la crème glacée. Il y a la crème des hommes et la tarte à la crème. Mais il y a rien, non il y a rien comme la crème de Mae West. Ah oui, on peut l'applaudir. Ça, anecdote personnelle, il y a des parties de famille quand j'avais 4-5 ans où j'en chantais devant tout le monde et aujourd'hui c'est un peu ça que je revis. Tu viens de nous l'offrir. Pourquoi? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais juste que quand j'étais petit, j'étais comme. C'était ma pub préférée quand j'avais 5 ans, en fait. Ok. Puis c'est resté aujourd'hui. Fait que ça... t'évolues pas, fac. Non, c'est ça. C'est ça. C'était ça que je suis venu vous montrer aujourd'hui, puis c'était ça. Donc... Ben, merci beaucoup, Jonathan merci Simon, beaucoup. Tout le monde. Ouais. Bonne fête, Jonathan. Merci. Il s'est payé un petit cadeau tantôt. Sinon, toi, t'as-tu une pub préférée? Ben, moi, je trippe sur toutes les pubs de Skittles, mais ceux qui sont pas à la télé. Ok. Tu sais, t'as comme une pub, t'as un monsieur qui est en train de violemment baiser une madame, puis là, un moment donné, genre. Ouais, hop, il vient des Skittles. Des Skittles. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis un gros fan de ça. J'aime bien, moi, les de Fresh Maker, là, la toune, là, Full of Life. C'est Mentos Fresh ouais, Maker. Ouais, ouais, ouais. Non, en tout cas. Okay, il y avait tout le temps une solution, le fun, à un problème ouais, ouais, ça compliqué. Ça marchait là. Pas focal. Ouais. Le gars, il transformait son saut noir en rayé blanc. Oui, oui, en se couchant sur le banc de parc. C'est ça la vie. Ça. Hein. Ouais. C'est ça la vie. Il a eu la job d'ailleurs. Ouais. Donc, félicité pour sa débrouillardise. On arrive pas mal vers la fin. Je pense qu'il nous reste juste notre cher ami Cussonnet. Let's go, Nick. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? Qui veut la job à tous les Québécois? C'est mon cul sonné, c'est mon cul sonné, c'est mon cul sonné, c'est mon cul sonné. Yeah. Eh oui. Salut! Salut! Je suis le représentant du Office Single Riot. Les célibataires de bureau, maintenant, vous n'êtes plus seuls. Vous avez atteint la trentaine et vous êtes tout seul. Nous avons des revendications à faire contre ce système qui nous pousse à être seuls. Notre mouvement va mettre en place certaines choses dans les prochains jours. Dans les bars, nous aurons des systèmes incendie qui interdiront aux couples de se frencher devant nous pour nous frustrer encore plus. Peu à peu, nous ferons ça. Peu à peu, ils seront installés. Méfiez-vous, couple. Ensuite, souvenez-vous, cette espèce d'enculé derrière vous, quand vous prenez vos cafés, le Tim Horton le matin, qui fait... Quand vous savez pas quoi choisir, vous faites genre... Oh, je vais peut-être prendre la vanille française, mais... Oh non, peut-être un Rios Baker. Le type derrière vous qui fait... Ah, oh, Stécolis, c'est nous. C'est pour ça que, dorénavant, nous appelons toutes les compagnies qui distribuent de la gastronomie rapidement à créer une ligne exprès pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. Car quand nous arrivons, nous savons ce que nous voulons. Et vous, non, allez vous faire enculer. La troisième, notre troisième revendication, et nous espérons que nous allons influencer tous les restaurants de Montréal en créant, après les salles fumeurs et non-fumeurs, qui n'existaient plus, les salles enfants et sans enfants. Je m'explique. Liberté ! Nous en avons proprement ras le cul d'avoir vos putains de mouflets dans les pattes. Nous voulons récupérer de notre brosse comme il se doit, c'est-à-dire sans vos chiards de merde. Nous avons décidé d'être seuls jusqu'à la tombe. Ce n'est pas parce que vous faites des gamins qu'on doit supporter les autres. Allez, vous faire enculer ! Et pour terminer, pour rendre hommage à ces trois divines femmes de Russie, je vais faire une performance. Est-ce qu'il y en a qui travaillent dans des bureaux, camarades ? Est-ce qu'il y en a qui font du PowerPoint, camarades ? PowerPoint, c'est de la merde ! Parfait ! Cette chanson s'appelle « PPTX dans ton cul ». Envoyez le son de la musique, Nick ! Plus fort ! J'ai mis tes statistiques en image ! J'ai même fait un court métrage ! Mais toi, connard, t'en vends toujours plus ! Pourquoi pas te carrer dans l'anus ? PPTX dans ton cul ! PPTX dans ton cul ! PPTX dans ton cul ! PPTX dans ton cul ! PPTX dans ton cul ! PPTX dans ton cul ! L'avez-vous vu caler son 7-Up pour rester hardcore en tabarnak? Oui, bonjour monsieur, oui. Oui? Oui? Dans la salle? Ah, vous m'avez vu. Oui, bien sûr. Le PPTX dans votre bureau? Demain? À la première heure. Oui monsieur, très bien monsieur, très bien. Très, oui. Au revoir monsieur, oui. Oui. Au revoir. Les revendications. La révolution continue! Le mystérieux revendicateur masqué. Wow! Un PPTX dans ton cul, est-ce que ça te touche? Ah, ça m'a violé, je te dirais, au complet. C'est apprécié. Est-ce que ça nous amène à la fin du show? J'oublie personne. Je pense qu'on est rendu là. Hein? Je pense qu'on est rendu là. En fait, c'est pas vraiment la fin du show. Vous savez, comme moi, que les lundis, on vous jump-pack ça au max. On a commencé à parler de cinéma. Là, Jean-François est arrivé. On a fait un 70%. D'ailleurs, j'aimerais que vous applaudissiez Jean-François Denomé. On a eu Jonathan Simon, l'excellent Mathieu Boudreau, Nick à la console, Élise qui trouve les invités, Bruno ici. Le revendicateur masqué. Le revendicateur masqué, très mystérieux. Et il me semble que j'oublie une personne. Mais oui, le duo de Portalance, Portalance 1 et 2. Sinon, ben Jean-François Denomé est humoriste, donc il va nous faire un petit stand-up. Je pense, Nick, tu peux nous mettre un petit clip d'une minute, le temps qu'on tasse les affaires pour le rendre à l'aise. Ensuite, ben, on va avoir notre ami Denomé. Et ensuite, c'est moi qui fais le VJ. Je vous ai préparé quelque chose qui va ressembler à une rétrospective de l'évolution des méthodes d'animation avec le temps. Vous avez pas fini de m'entendre parler au micro. Mon nom est Tommy Godette. Vous êtes géniaux, toute la gang, sauf un. À tantôt, merci. Ça va bien le brouhaha? Ouais! Ouais, plus fort que ça, come on! Ouais! Yeah man! Applaudissez-vous, belle soirée, c'est la première fois que je suis ici. Ah, donnez-vous plus d'amour que ça là. Ouais! Yeah man! Alright! Yeah! Alright! Je m'appelle Jeff de... J'ai 21 ans, puis je fais encore des Sunday Chris. Voyez, moi, j'en ai rien à foutre, je sais fucking bien nager. Ouais, ouais. Non, pour vrai, comme je m'aime, là. Je m'aime autant qu'un journaliste du Journal de Montréal aime la bullshit. T'sais? C'est vrai, je m'aime comme un BS de Schelaga aime cracher par terre, là. Je m'aime comme une Lavalloise aime les salons de bronzage, en fait. En vrai, je m'aime, là. Avoir un clone féminin, je m'auto-fourrais. C'est solide, là. Ah, je suis sûr que ma clone, elle me rappellerait même pas, en plus. Parce que moi, être une femme, je serais une grosse salope. T'sais, ah ouais, une grosse pute qui fait le trottoir, là. Ah! C'est, les putes qui font le trottoir, ça reste un fléau important à Montréal. T'sais, en campagne, il n'y a pas de putes. Tu sais pourquoi il n'y a pas de putes en campagne? Il n'y a pas de trottoirs. Hein? Ils ont enlevé les trottoirs. Les putes étaient dans la rue, les putes sont faites frapper, il n'y a plus de putes. Non, pour vrai, il y a plein de choses en campagne qui ont compris que nous, en ville, on a un peu arriéré là-dessus, en fait. C'est comme le déneigement. Le déneigement, c'est mieux fait en campagne. Là, vous allez me dire, ben là, Jeff, c'est sûr, là-bas, les ethnies sont encore des esclaves, mais là, c'est mieux fait. Rien à foutre, je fais de l'humour ethnique si je veux, OK? Je vais avoir l'air d'un gros raciste, là. Mais il devait quand même avoir des avantages à l'esclavage. Tu sais, t'as une horde de personnes qui s'occupent juste de toi. Tu sais, je me dis, tant qu'à être blanc, tu sais, j'aurais pas été chien non plus, là. Tu sais, je les aurais pas fouettés. Bon, je les aurais pas payés non plus, mais là, faut respecter la tradition. J'ai une blague de juif. Est-ce que vous saviez que les juifs ont une compagnie de changement de sexe internationale? Ça s'appelle Israël. C'est drôle! Non. Yeah. Non, après, par applaudissement, qui ne connaît pas ici? Je vous connais pas, moi non plus, sérieux. Non, sérieux, c'est si bizarre quand tu commences en humour parce qu'un soir, ça peut être awesome, le lendemain, de la vraie merde. Sérieux, tu passes de signer des beaux gros seins durs à remettre en question l'idée de ne pas se suicider. Non, sérieux, c'est dur. Non, c'est dur. Fait que tu sors de scène, t'es comme genre, ah, je suis pas assez drôle pour faire ça. Le monde vient te voir, c'est comme, ben oui, t'es super drôle. T'es comme, non, non, je suis pas assez drôle. Dans le fond, être humoriste, c'est exactement comme être une fille de 14 ans qui se trouve grosse. C'est la même chose. Non, faut que tu doutes quand tu fais de l'humour. Faut que tu observes aussi. Faut que tu observes tout. L'autre fois, j'étais au parc, puis je checkais autour de moi, puis la seule question qui me trottait en tête, c'était, mais pourquoi les chiens sont tout le temps contents? Tout le temps! Puis j'ai compris pourquoi! Ils sont tout le temps à poil! Ils sont tout le temps tout nus! Le monde sont même pas choqués! Ils les trouvent cute! T'sais, imagine-moi, j'arrive devant une gang de filles nues, puis eux sont comme, ah, il est bien cute le garçon! T'sais? C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Le dernier qui a essayé, c'est Joël Legendre. On a vu qu'est-ce que ça a donné. C'est pas ça. Non, je trouve que les chiens et les humoristes, ils ont beaucoup de points en commun. Tu sais, comme les deux, régulièrement, se lichent le cul. Mais non, c'est pas... Pourquoi j'ai dit ça? Non, en vrai, les deux sont pas mal juste là pour divertir. Tu sais, moi, je suis sûr que quelque part dans le monde, t'as un chien qui est un peu blasé de tout ça. Tu sais, un genre de Robin Williams, dog. Il l'aurait fucking ri, lui, en plaçant. En tout cas... Non, pour vrai, t'sais, les deux, on est pas mal juste là pour divertir. Là. T'sais, moi, je suis sûr, genre, tu vas voir un chien en dépression. Tu fais, c'est qui le bon chien? Il te regarde, il est comme, mais des fois, je sais plus trop, hein. Comment scraper un punch? Yeah! Non, parlant de chien, l'autre fois, j'ai eu un ticket. Ah non, mais j'étais fâché. Hein. Pour vrai, j'ai eu un ticket de vitesse dans une zone scolaire en vélo, hein. J'étais en vélo! Ouais, ouais, c'est vrai, là. J'étais en vélo. Le policier m'arrête. Moi, je suis mitigé entre trois réactions. Premièrement, c'était de sacrer un coup de pelle d'en face. Deuxièmement, c'était d'être baveux. Troisièmement, c'était de sacrer deux coups de pelle d'en face. Pour vrai, j'avais pas de pelle, mais je le regarde, puis je suis comme, j'espère t'as rempli ton quota. Bitch. Pour vrai, il me regarde, il met la main sur son gun, puis dans son regard, je comprends qu'il a écouté 19-2 en tabarnak, là, OK? Écoute, ses dents sont écartées. T'es comme « Back off! Back off! » Standing bear off. Je suis comme « Oh shit, ok. » Je suis tellement professionnel que j'ai un blanc pis ça paraît pas. Faites du bruit, yeah! En vrai, le policier me regarde pis il est comme du monde comme toi. J'attends ça toute la journée. J'ai comme « Ben là, monsieur, c'est pour ça que je me dépêchais! » Il a pas ri. Ah, j'ai pas d'allure des fois. Comme tantôt, je m'en venais ici sur le show, j'étais dans l'autobus, puis il y avait plein de monde dans l'autobus. Puis t'avais une madame là, à côté, sur moi, les bras croisés. Là. Puis c'est pas une belle madame, là. Plus genre une vieille itinérante qui sent la marde, là, OK? Elle était à côté. À un moment donné, le bus tourne sec, je me tasse, elle tombe. Je vais la voir, je l'aide à se relever. Elle me dit merci. J'étais comme « Ah, oh, t'as pas idée à quel point ça m'a fait plaisir. » Puis en disant ça, je lâche la main, elle retombe. « Fuck you! » J'ai pas la main. Oh shit, yeah! Bon. L'année passée, je me suis inscrit au gym. En fait, puis ma première journée au gym, je vais tout le temps m'en rappeler. Pour vrai, je poussais, je forçais, je suais. Puis là, un moment donné, la porte finit par ouvrir. Pis dans le gym, là, il y avait un gars, là. Mais tu sais, pas un gars qui a des muscles, là. Des muscles qui ont un gars, là, OK? Sérieux, là? Avec ben du gel, j'aurais pu lui servir de brosse à dents, là. Il me regarde, pis le gars, c'était un douche, genre maître douche, là, papa douche, OK, là? Il me regarde, pis il me dit, c'est comment la vie sans pipe, le gros? C'est sûrement moins pire que sans culture, je sais pas, là. Il était même pas fâché, je pense qu'il y avait trop de mots dans ma phrase. Il me regarde pis il me dit « Hey, le pisseau, dis-toi que chaque fille avec qui tu vas peut-être fourrer m'a être passée là avant. Hein? » Mais là, tu m'apprends rien, là. Avant l'homme, le singe, c'est ça. Morale de l'histoire, même si t'es une grande gueule, t'es mieux d'avoir des longues jambes, parce que même si tu as fermé la sienne, il peut te casser la tienne. Merci tout le monde. Jean-François Denomé, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, allez le rajouter sur Facebook, ça a été notre invité ce soir à 70%. Ce qui va nous amener à la soirée de visionnement, on va commencer par la publicité que notre invité nous a parlé avec les Skittles et juste ensuite, on va avoir un travail particulier. C'est quelque chose qui s'appelle Blaze de Pot Smoking Deer. J'adore ce clip-là. On l'écoutera pas au complet parce que ça dure 20 minutes. Bruno est en train de mettre la table. Soyez patient avec ce que vous allez voir. On va sortir les projectiles. Vous allez voir, ça va servir de très belle façon. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve tantôt. Je vais être en arrière de la console. En attendant, ben voilà l'annonce de Skittles et Blaze de Pot Smoking Deer. J'adore ce clip-là. Voilà, merci.